croise tes mains et tu fais ta prière sous la grande voile. Tu prends une bouffée d'air que tu avales et tu voudrais essayer de la comprendre. Bien l'entendre, mais il n'y a que le vent qui chante, et dans tes nuits son visage qui te hante, son visage qui te hante. Mais demain, tu prendras ses mains, vous ferez le tour du monde, et vous aimerez sur cette terre ronde, vous vous soutiendrez. Ça ne fait rien, tu es loin des tiens, mais c'est elle que tu aimes, la désire rien que pour toi. Mais il n'y a que le vent qui chante, et dans tes nuits son visage qui te hante, son visage qui te hante. Garde espoir, même quand il fait noir. Quand les vents se déchaînent, croise plus tes mains, tu ne fais plus ta prière, tu ne prends plus l'air, tu te noies dans un verre de rhum au citron vert, et tu voudrais essayer de la comprendre. Qui te hante.